résolu à oublier ta vie, il me restait plus qu'à fuir dans la nuit, souple et détendu. Oh oh, souple et détendu. Oh oh, souple et détendu. Les lumières de la ville éclairaient la rue où je t'avais trouvé, où je m'étais perdu. Au clair de la lune, je t'ai reconnu. Je suis rentré dans ta tête, ça j'aurais pas dû. Oh oh, ça j'aurais pas dû. Oh oh, ça j'aurais pas dû. Toujours dans ma quête de temps perdu, ta volonté soit faite, j'étais corrompu. J'ai voulu que ça s'arrête, toi tu voulais plus. Un air de musette et t'as disparu. Oh oh, et t'as disparu. Oh oh, et t'as disparu. Marcher dans la nuit pour t'oublier. Marcher dans la nuit pour t'oublier. Marcher dans la nuit pour t'oublier. Marcher dans la nuit pour t'oublier. Marcher dans la nuit pour t'oublier.